J'ai 20 ans, j'ai la vie dont tout le monde rêve, sous le feu des projecteurs, toujours le sourire aux lèvres. J'ai 20 ans, dans un monde où l'amour crève, je m'accroche à mes valeurs sans jamais demander de trêve. J'ai toujours 20 ans, dans les yeux de ma mère, chacune de ses larmes me pousse à la rendre fière, ma mère. J'ai 20 ans, et j'ai la vie dont tout le monde parle, petit bout de femme, je suis venu rapper ma flamme, mes 20 ans. Moi je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde. Mais je n'aurai jamais 20 ans dans les yeux de mon père, chacune de ses absences me pousse à la rendre fière, ma mère. Le temps va, tout va mal. À 20 ans, tu te mets à aimer les hommes, jusqu'au jour où ils te volent tes 20 ans. Malgré le temps qui te cogne, toi tu donnes et tu donnes tes 20 ans à la vie, à la mort. Si ça peut prouver qu'ils ont tort, qu'à 20 ans, tous les jeunes rêvent encore. À 20 ans, tu te mets à aimer la vie. C'est l'âge libre, t'as du vice devant les risques, t'esquives. T'as 20 ans, et t'as la force des vainqueurs. Et puis rien ne te fait peur, car on t'a déjà crevé le cœur. T'as la vingtaine et t'es perdu sur la planète. Tu rêves d'Adam et Ève, pas que de strass et paillettes. À 20 ans, t'es fragile, mais t'es l'avenir de ce pays. Tu sais, ta vie, c'est cette dame, elle est Mélanie. J'ai 20 ans, ils disent que j'ai la vie devant moi. Hier encore, hier encore, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Hier encore, je voulais bouleverser les gens, remarquer mon temps. Hier encore, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Hier encore, je voulais bouleverser les gens, remarquer mon temps. Tout va mal.